C'est comme ça que ça fonctionne. Quand la personne que t'aimes le plus nous connaîtra, il sera trop tard, on sera déjà répandu comme le choléra. Grosse pétasse, on était là au départ. Bientôt nos plus de phrases feront danser même vos chorégraphes. Gros c'est grave, gros c'est grave. Faire faut que je bédave et teaser pour pouvoir sortir des flots très crasses. Alors, te crois pas à l'opéra. L'unité de feu, la coméra, peuvent tout faire péter au C4. Boom. Si t'es triste ou net, t'as qu'à manger de la zigounette. Crame une petite boulette, tu veux de la bœuf, on te vend de la ciboulette. Si, si. Rime Foulec, MC, Vlad et lyriciste. Des bris grigny, tester c'est difficile. Tu sais. Peut-être pas le même destin, ni les mêmes cartes. Avenir incertain, une belle fin, un opinel crade. Vision du futur, pensée du passé. Même vos français les plus purs pourront manger du mafé. C'est les grands qui nous ont envoyés. C'est la rue qui a écrit la lettre, on vient la poster. T'inquiète pas mon frère, je sais qu'on sait pas rapper. Mais le gangster qui ouvre sa chatte, on va lui chauffer. T-O-N-Y-I, Traficante. Y'a un autre album qui s'échange dans la street avec des sangers. Superstar de mon squad, j'ai tous les brevets. Greeny Gang, ça en grâce sur mon CV. Ça c'est l'Ecta, t'as bien entendu, c'est la Comera. C'est l'heure des bons, yes, et c'est l'heure des Kaira. Un son qui fout des tas, bonhomme, épaulé par des vrais bonhommes. Te perds pas dans ma gare, bonhomme, ici ça se lâche. Unité de feu, fille du ring, la Comera. Imagine Mob, Deep Capone et Noriega. Passe-moi une capote, un mic et un katana. Un verre de Sky et tu verras comment on t'aide. On arrive en force, c'est de l'art, c'est comme du Van Gogh. C'est Evry Courcouronne et la grande bande. On bute, enlève ton show. C'est la nouvelle génération construite pour durer comme les Air Force. Ça fait horrible, Tory d'or catégorie. Faut gâter comique, Tommy, faut lâcher le chromie. Écarte les Tommy, les polos, c'est pas le track de MC. Crème du neuf, un nègre fait péter les fusils. C'est pour mes royas dans le brouillard, mais des brouillards pas très brouillards pour les gamins. Ils ne te font pas crier alléluia, c'est pour moi aussi que je lâche des douilles. Espère quitter nos quartiers pour œuvre, écarte les poucas. L'expert ridé dans la traîtrise. On n'a pas la même destinée, pas de mépris. Les sciences le resteront, bien que certaines aient mangé un peu de mes frites dans le restaurant. Ou grailler l'une de lait de ma maman. Chez nous, tout calmement, je me dis que Dieu mate le monde. Des tonnes d'efforts à livrer dès la naissance. À contre-courant, la nuit, v'là qu'on reste du piston qui nous manque. Sans ça, c'est dead, c'est mort, c'est cuit. La société veut qu'on s'éteigne, s'égorge, s'épuise, se suicider. Ouba est le thème des émissions entre publicités qui ne sont pas pour nous. Nous, on a le droit qu'à un aperçu. La ségrégation raciale, sur nous comme un tatouage. Je fais que la dernière chose qu'on verra est le pare-balles ou la plage. Quand je prends le micro, tu sais qui je suis. 9-1-3-5-0. Tu sais d'où je suis le game. Mon nom c'est M.O. Comera Boys représente à mes négros. Est-ce que tu me suis le spell, fous le feu aussi. Fous le feu aussi. Pour l'unité de feu de Greeny High. De Greeny High Evry. La crème du crime n'est pas family. Fais péter le pompe, fais péter le ral. C'est une balle pour nos ennemis. Ma clique fait chauffer la foule dans les quartiers. Lyrical doom, tous mes bousillards de tarpé. Port de la cagoule élégant parmi les chambres. Réputé pour son putain de style éléganté. Comera, bah oui tu le connais. C'est ceux qui te pissent dessus et tu ne peux que la fermer. Le son vient du sud tellement sombre tu pourrais sombrer. Demande pas son âge, j'ai un petit qui pourrait te plomber. On arrive en force, c'est de l'art, c'est comme du Van Gogh. C'est Evry Courcouronne et la grande bande. Pute, enlève ton show. C'est la nouvelle génération construite pour durer comme les Air Force. Ça fait horrible, Tory d'or catégorie. Faut gâter comique, Tommy, faut lâcher le chromie. Écarte les Tommy, les polos, c'est pas le track de MC. Crème du neuf, un nègre fait péter les fusils.